Et si le progrès technologique, s'il n'avançait pas aussi vite qu'il le pourrait, dans le fond, si au lieu d'un torrent d'innovation, on recevait juste des gouttes? Ouf, c'est la question qui est au cœur de l'analyse qu'on garde aujourd'hui. C'est une idée qui brasse pas mal, c'est sûr. Oui, vraiment. On se penche sur une théorie qui propose que le rythme de la création humaine est en fait volontairement ralenti. On part d'un document qui s'intitule « Le ralentissement contrôlé de la création ». Juste le titre, là, ça dit tout. L'auteur y va d'arguments assez audacieux sur la nature de notre progrès puis sa force à se poser des questions qu'on ne se pose pas d'habitude. Exactement. Puis c'est ça notre mission aujourd'hui. On va essayer de décortiquer cette idée-là. D'où ça vient ce concept de débit de création freiné? Pourquoi l'auteur a l'impression qu'on reçoit juste des miettes technologiques? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans ce que le texte appelle une genre de simulation contrôlée? Bon, commençons par les buts. Le concept central, cette idée d'un débit de création qui ne serait pas naturel. C'est le point de départ de toute la réflexion. L'hypothèse, c'est qu'il existe une vitesse organique d'innovation. Tu sais, un rythme naturel. Le rythme auquel les idées, les savoirs, les technologies devraient normalement se rencontrer puis fusionner. Mais, selon la source, cette vitesse-là est constamment bridée. Comme si on mettait un régulateur de vitesse sur la créativité humaine. Et l'analyse nomme les coupables. Elle pointe du doigt des structures qu'on connaît bien. L'État, le système de brevets, les grandes institutions, c'est ce qui mène à cette expression qui frappe fort dans le texte, l'idée qu'on nous donne des miettes technologiques. C'est ça. Puis le mécanisme qui est décrit est assez intéressant. Prenons les brevets. Officiellement, le but, c'est de protéger les inventeurs pour encourager l'innovation. C'est la version qu'on connaît tous, hein? Attends une minute, parce que ça, c'est un point important. Est-ce que l'analyse aborde l'autre côté de la médaille? Parce que sans brevet, qu'est-ce qui empêcherait une méga corporation de juste voler l'idée d'un petit inventeur puis de l'écraser sur le marché? Ce ralentissement-là, c'est peut-être juste un effet secondaire d'une protection qui, dans le fond, est nécessaire? C'est le dilemme classique, puis c'est une excellente question. La source aborde ça en disant que le système actuel favorise déjà les grosses entités, celles qui ont les moyens de se payer des armées d'avocats pour défendre leurs brevets ou attaquer les plus petits. L'insight principal du texte ici, c'est que le but affiché de la protection, c'est pas son effet réel sur le système. L'effet réel, selon l'analyse, c'est la consolidation du contrôle, puis la création de silos. Une idée brevetée, ça devient un cul-de-sac pour la recherche collective pendant 20 ans. Ça empêche d'autres esprits de s'en emparer, l'améliorer, de la combiner avec d'autres choses. Je vois. Donc, au lieu d'une pollinisation croisée des idées, on se retrouve avec des jardins privés bien clôturés, là. L'outil finit par créer le problème qu'il est censé régler. Précisément. Puis l'argument va plus loin. Le texte affirme que ce qui pourrait être développé en quelques années, si les connaissances étaient libres et collaboratives, est artificiellement étalé sur des décennies. La raison évoquée, c'est que l'État et ce que la source appelle les élites agissent comme des gardiens du temple. Ils décident de ce qui va être autorisé, financé, diffusé à grande échelle. C'est ce qui amène l'auteur à parler d'un système de création proscrit régulé, où la fusion naturelle des connaissances est activement empêchée. Et c'est là que ça m'interpelle le plus. Le texte met cette vitesse imposée, ralentie, en opposition directe avec la vitesse naturelle de l'esprit humain. Il parle de cette capacité folle qu'une seule personne peut avoir de faire des liens entre des concepts, des époques, des technologies, des fois en quelques heures de réflexion, là. C'est un point absolument crucial de l'argumentaire. La source observe que notre cerveau, lui, bien, il respecte aucune frontière. On peut penser à l'architecture romaine, à la physique quantique, puis à l'intelligence artificielle dans la même minute et en tirer une idée complètement nouvelle. Cette vitesse de connexion-là, elle est quasi instantanée. On ne demande pas la permission à un comité pour faire un lien dans notre tête. Et c'est là que l'analyse fait une projection qui est vertigineuse quand même. L'idée, c'est que si cette vitesse de connexion individuelle était libérée puis mise en commun à l'échelle collective, sans tous ces freins institutionnels, on aurait, et je cite, « des siècles d'avance sur nos propres technologies actuelles ». C'est toute une affirmation. C'est une affirmation très forte, c'est vrai. Et pour la rendre plus concrète, la source donne un exemple de ce décalage. Elle parle des savoirs anciens sur l'énergie naturelle, pense à l'ingéniosité des moulins à eau, la connaissance intuitive du magnétisme. OK, mais là, je suis pas sûre de suivre. On parle de moulin à eau. Est-ce que la source suggère sérieusement que des savoirs pré-scientifiques auraient pu nous amener plus vite à, mettons, l'informatique quantique? Le saut logique me semble énorme. Non, c'est une très bonne question, c'est la nuance importante. L'argument, c'est pas que les savoirs anciens contenaient la recette de la physique moderne. L'idée, c'est plutôt que l'approche, l'observation directe, l'expérimentation pragmatique, l'intégration avec la nature a été presque entièrement mise de côté. Mise de côté par une science moderne qui est devenue très théorique, très mathématique, puis souvent déconnectée du monde sensible. La fusion des deux, c'est-à-dire une science moderne qui n'aurait pas rejeté cet empirisme ancien, aurait pu ouvrir des voies de recherche complètement différentes. Ah, d'accord. Donc, c'est pas une question de contenu, mais de méthode. On a suivi une voie en ignorant les autres. C'est ça l'idée. Au lieu d'une fusion, on a eu une trajectoire où la science officielle a souvent rejeté ou ignoré ses savoirs, en les qualifiant de non-scientifiques. Le texte suggère que c'était pas un accident, mais une conséquence de ce fameux débit de création contrôlée. Ce décalage entre le potentiel puis la réalité, c'est au cœur de l'argument. C'est cette fracture-là qui crée le sentiment d'un potentiel immense, mais inexploité. OK, donc on a ce décalage entre le savoir ancien puis le moderne. Mais concrètement, comment est-ce qu'on le voit, ça, dans les objets qui nous entourent? Est-ce que la source dit que nos téléphones ou nos voitures sont incomplets à cause de ça? C'est exactement là qu'on s'en va. Ça nous amène à un autre concept clé de la source, celui des technologies bancales. Le texte fait une critique assez sévère de notre approche technologique. D'un côté, il y a nos technologies actuelles qui reposent souvent sur des matériaux artificiels, des processus de fabrication polluantes, puis des composants qui sont, selon l'auteur, instables. Donne-moi un exemple concret. Le meilleur exemple, c'est le téléphone intelligent. C'est un miracle de miniaturisation, c'est sûr, mais pense à sa composition. Il dépend de métaux rares extraits à l'autre bout du monde dans des conditions terribles. Sa batterie a une durée de vie limitée, elle est difficile à remplacer. Son système d'exploitation est conçu pour devenir obsolète en quelques années, pour te forcer à racheter un nouveau modèle. C'est une technologie incroyablement puissante, mais aussi incroyablement fragile. C'est une technologie qui porte en elle sa propre date d'expiration. Et face à ça, le texte propose qu'il y avait une autre voie possible. Exactement. C'est le contraste que la source veut mettre en lumière. De l'autre côté, il y a cette approche ancienne qui utilise ce que le texte appelle la matière naturelle, le bois, la pierre, l'eau. C'était pas une technologie primitive, mais une technologie profondément intégrée à son environnement. Pense à un aqueduc romain. Construit avec des pierres locales, basé sur une compréhension simple mais géniale de la gravité, puis qui est encore debout 2000 ans plus tard. Je vois la différence. D'un côté, on a une complexité fragile, puis de l'autre, une simplicité robuste. C'est une excellente façon de le résumer. Et la conclusion de l'analyse, c'est que la non-fusion de ces deux approches, la sagesse de la matière naturelle puis la puissance de la science moderne, c'est ça qui crée cette impression de simulation bancale. On avance, c'est clair, mais sur des bases qui semblent incomplètes, fragiles. Comme si on avait choisi une voie de développement qui est spectaculaire à court terme, mais instable. Cette sensation de bancal, de quelque chose qui tourne pas tout à fait rond, ça nous amène à la partie la plus, disons, provocante de la théorie. L'idée d'une simulation puis d'un contrôle par l'élite. Bon, là, il faut clarifier quelque chose tout de suite. Quand la source parle de simulation, on n'est pas en train de parler de science-fiction, là. On dit pas qu'on vit dans un ordinateur comme dans la Matrice. Non, pas en tout. C'est une métaphore. La simulation ici, c'est un système de contrôle social et économique qui est si omniprésent qu'il donne l'impression d'être une réalité artificielle scriptée. C'est un environnement où les règles du jeu semblent truquées et où la trajectoire du progrès semble prédéterminée. Et le texte ne mâche pas ses mots pour dire qui tient les commandes. Il y a une phrase très directe qui résume tout. L'élite tire les ficelles. Mais comment ça fonctionnerait concrètement? L'analyse décompose ça en plusieurs points. Premièrement, comme on l'a vu, cette structure de pouvoir ralentit délibérément la vitesse de création. C'est le robinet principal. Deuxièmement, elle distribue le progrès sous forme de miettes technologiques. L'idée, c'est que les innovations sont calibrées et diffusées à un rythme qui maintient la population dans un état de dépendance puis de consommation. On ne donne pas l'outil qui rendrait les gens autonomes. Mm-hmm. On leur vend un service, un produit qui va devoir être mis à jour ou remplacé. Ça crée un cycle de désir et de satisfaction contrôlé au lieu d'une véritable émancipation par la technologie. On te donne un nouveau téléphone un peu meilleur chaque année, juste assez pour que tu le veuilles, mais jamais le téléphone qui durerait 20 ans. C'est la case, oui. Et troisièmement, ce phénomène que la source appelle la sous-fusion des savoirs. C'est pas un hasard, il est décrit comme étant artificiel, imposé pour préserver un ordre établi. Parce qu'une technologie vraiment durable et autonome pourrait remettre en question les structures de pouvoir. Ce qui est fascinant, et c'est une nuance importante, c'est que la théorie ne parle pas forcément d'un complot conscient, avec des gens qui se réunissent dans une pièce sombre. Elle décrit plutôt un système structurel qui s'auto-entretient. OK. C'est beaucoup à digérer si on essaie de rassembler les morceaux. D'abord, l'idée centrale, c'est que la vitesse à laquelle on innove est volontairement ralentie par des structures comme l'État puis les brevets. Ensuite, à cause de ça, on vit dans un état de sous-fusion. Les savoirs anciens, basés sur la durabilité, puis les savoirs modernes, plus puissants, sont pas synchronisés et sont maintenus à l'écart par des filtres politiques et économiques. Et finalement, l'impression qu'on peut avoir de vivre dans un monde un peu absurde, sur une trajectoire qui semble bancale, ça viendrait de ce décalage constant entre notre potentiel créatif, qui est immense, et la réalité contrôlée, fragmentée, qu'on expérimente tous les jours. C'est bien ça? C'est une excellente synthèse. Puis pour aller plus loin, la source se termine sur une suggestion que je trouve vraiment intéressante. Elle propose de modéliser visuellement cette différence. Imagine deux lignes sur un graphique, là. La première ligne, ce serait la vitesse naturelle de création, une courbe qui monte de façon exponentielle. La seconde, bien en dessous, ce serait la vitesse réelle qui nous est imposée, une progression beaucoup plus lente en escalier. Et les grands écarts entre les deux lignes, ce seraient les moments où cette fameuse simulation devient la plus visible, j'imagine. Exactement. Le texte appelle ça les fractures, les points où le ralentissement devient manifeste. Puis cette idée de visualisation, ça soulève une dernière question, une pensée pour la route, là. La source nous invite à repérer ces fractures. Fait que ça m'amène à demander si on appliquait ce modèle à notre propre quotidien ou à notre domaine d'expertise. Où est-ce qu'on identifierait ces points de fracture-là? À quel moment précis est-ce qu'on ressent cet écart entre ce qui semble technologiquement possible, ce que notre intuition nous dit qui pourrait exister, puis ce qui est réellement accessible? C'est peut-être en cherchant ces petites fissures qu'on commence à voir les contours du système.